Chapitre 11e. C'était vraiment la main d'un destin cruel qui s'était abattue sur Madge Dennison. D'un coup soudain et terrible, elle avait, semblait-il, perdu tout. L'homme, que depuis des années elle était habituée à regarder comme son père, gisait, inconscient, le corps secoué par les suprêmes spasmes de la mort, au moment même où l'irruption des Comanches avait surpris la Hacienda. Ralph Duncan, qu'elle aimait comme un frère, était en fuite, ardemment poursuivi. Les hommes qui auraient pu protéger le rancho contre une surprise étaient sur la piste de Ralph et Harper Clyde lui-même, à qui elle accordait une confiance qui ne le cédait qu'à celle qu'elle avait en Ralph Duncan, ne se trouvait pas auprès d'elle. Mrs. Dennison et Madge étaient ensemble courbés sur le corps du blessé, lorsque soudain des détonations, des clameurs et le sauvage cri de guerre des Comanches frappèrent leurs oreilles. À peine eurent-elles le temps de se dresser sur leurs pieds et de pousser une exclamation d'effroi, que la chambre fut pleine de sauvages aux muscles saillants, horriblement barbouillés de leur peinture de guerre, et dont quelques-uns semblaient déjà teints du sang de leurs victimes. Les pauvres femmes s'attendaient à une mort immédiate. Elles ne pensèrent pas sur le moment qu'on pouvait les réserver un sort pire que la mort, la captivité de hutte en hutte dans les campements des Comanches errants. Sans leur donner le temps de réfléchir, les hommes rouges arrachèrent leurs prisonnières de la chambre et les confièrent en hâte à la garde de quatre Indiens, qui prirent immédiatement la route du nord-ouest, tandis que le gros de la troupe restait à continuer l'œuvre de destruction. Pendant plus d'une heure, les ravisseurs chevauchèrent, en un silence qui n'était interrompu que par les sanglots des femmes en pleurs et le résonnement du sabot des chevaux sur la glaise dure de la prairie. Les Indiens laissés en arrière arrivèrent bientôt, foule désordonnée, grassement chargée de butin, et toute la bande poussa son vol à travers la nuit, ne faisant qu'une courte halte un peu avant le point du jour pour dormir un instant. Là, les maraudeurs se séparèrent de nouveau. La bande la plus forte, sous le chef Oweta, emmena les prisonnières à une rapide allure. Ils pouvaient sans doute rencontrer quelques voyageurs, mais il n'était pas probable qu'ils eussent affaire à une force assez considérable pour les arrêter ou pour leur donner un ennui sérieux. Ce qu'ils avaient le plus à craindre, c'était d'être poursuivis, et avec l'avance déjà gagnée, leurs appréhensions n'étaient pas grandes de ce côté-là. Néanmoins, les mouvements d'Oweta furent assez prudents pendant le premier jour du voyage. Il veillait attentivement à ses derrières et ne faisait que de courtes haltes en des lieux où il était facile de se garder contre toute surprise. La nuit venue, il se crut définitivement hors d'atteinte. Aussi, quand l'obscurité fut complète, on fit halte dans un petit bouquet d'arbres. Au centre même passait un cours d'eau étroit, mais profond et rapide, de l'autre côté duquel le terrain était onduleux et quelque peu défoncé. Quoique la fatigue les eût réduites à ce qui leur paraissait être le dernier degré de l'épuisement, Mrs. Dennison et Madge avaient plus de calme, plus de sang-froid et plus d'espoir qu'on ne s'y serait attendu. Malheureusement, le chef Comanche le remarqua et en prit ombrage. Il leur mit les mains derrière le dos et les lia à deux arbres qui croissaient côte à côte, juste sur le bord du torrent. Ce n'était là qu'une installation temporaire, pendant qu'on faisait les préparatifs du campement. Les rustiques mustangs avaient besoin de nourriture plus que d'autres choses, et tandis qu'on les menait à l'herbe, ceux qui s'occupaient du camp avaient assez à faire sans employer une douzaine d'entre eux à monter la garde autour des prisonnières. Ceci offrait du moins un avantage. Les deux femmes étaient comparativement seules, et pour la première fois depuis qu'ils avaient été arrachés de leur foyer, elles purent causer ensemble. Elles conversaient à voix basse, lorsqu'un faible sifflement éveilla l'oreille de Madge. Elle tressaillit au bruit, et vraiment, s'il venait d'un reptile venimeux, elles étaient dans une situation terrible. Totalement incapables de bouger, avant qu'elles eussent informé leur ravisseur du danger, il eût été trop tard pour les secourir. De nouveau un sifflement d'une surprenante netteté se fit entendre. Madge, cette fois encore, retint un cri. Elle tourna lentement la tête, s'efforçant, mais en vain, de découvrir le point exact d'où le bruit venait. Malgré son insuccès, elle eut à ce moment une grande joie, car elle entendit, épandue vaguement dans l'air au-dessus d'elle, une voix chuchotante qui sifflotait. « Pas un mouvement. Ne remuez pas le bout du doigt. Ne faites pas voir que vous m'entendez. Il y a deux gaillards qui guettent bien. Je n'ose essayer de vous secourir tant que vous êtes attachés. Si vous ne pouvez pas vous délier, gardez bon courage, car les amis sont prêts. « Au nom du ciel, ne nous abandonnez pas !» murmura Madge. Il faisait trop sombre pour que personne vît le mouvement de ses lèvres à quelques pas de distance. Mais elle avait parlé avec tant de précaution que même en plein jour, il eût été impossible d'apercevoir sa bouche se mouvoir. « Je ne vous abandonnerai pas. Il y a une compagnie de soldats un peu en bas de la fourche du ruisseau. Maintenant, je m'en vais. Restez tranquille et ne répondez pas. » L'homme, quel qu'il fût et où qu'il se cachât, était certainement un ami. Madge n'en doutait pas et l'était fille à utiliser un bon conseil. Elle ne parla pas, mais elle écouta intensément. Le seul bruit qui parvint à ses oreilles fut un bruissement à peine perceptible dans les broussailles sur l'autre rive. Cela suffit pour qu'elle sût qu'il partait. Elle resta en suspens quelques minutes, puis elle respira longuement. L'éclaireur avait évidemment gagné le large et elle n'allait pas tarder à entendre les bugles et les revolvers d'une charge de cavalerie. Ainsi raisonnait-elle, et ainsi faisait Mrs. Denison, qui avait trop l'expérience de la frontière pour perdre sa présence d'esprit. Toutes deux sentaient un besoin infini d'échanger quelques paroles de félicitations et de joie, mais elles se retinrent et restèrent les nerfs vibrants et les doigts étroitement serrés, s'efforçant d'attendre avec patience le secours promis. Tout à coup, un horrible cri sinistre et ricaneur leur frappa les oreilles. Elles tremblèrent de peur, mais tinrent leurs lèvres closes. Peut-être l'épouvante qui venait de les envahir était-elle sans motif. Elles ne furent pas longtemps à se convaincre que leur pressentiment n'était que trop juste. Espion pareil au serpent, se cacher dans le buisson, ou Weta ne pas le voir, et causer à oiseau chantant, ou Weta pas faire de bruit, seulement vite les chiens bleus s'amènent, et pas prendre le scalp de l'espion malgré ça. Se fera bien fusiller tout seul, peut-être à cause du rapport faux, mauvais guide. Oweta connaître des tours en quantité, des tas de bons. Lui se sauver et laisser chasser les chiens bleus. Eux pas trouver sa piste. Lui parler tout bas à ces jeunes hommes et eux se préparer maintenant. Sko pas faire de bruit ou elle mourir. Et l'Indien ricanait. Si les choses tournaient comme il le croyait, il avait une occasion de se montrer plus fin que les soldats et peut-être de les esquiver tout à fait. Il avait déjà donné ses ordres au jeune Indien qui lui servait de lieutenant. En quelques instants, le camp présenta une scène d'activité muette, et toute la bande fut bientôt rassemblée près du lieu où les prisonnières étaient attachées. En même temps, l'oreille fine de Madge notait le bruit sourd et étouffé des pas des mustangs qu'on amenait. Elle reconnut qu'on avait pris des précautions pour ne laisser, autant que possible, aucune trace en enveloppant leurs pieds dans des morceaux de peau de buffle ou d'autres matières semblables. On délia les femmes blanches et on les mit à cheval. Puis tout le parti s'enfila dans un petit ruisseau qui aboutissait au cours d'eau juste au bas du bouquet d'arbres. On avait là de l'eau jusqu'aux sangles. Les Indiens descendirent alors le courant droit vers le lieu où ils supposaient les soldats campés. Ils firent ainsi un demi-mille. Puis, quittant l'eau, ils firent halte dans un silence absolu, tandis que leurs espions se glissaient dans les ténèbres pour explorer les deux rives. L'arrêt fut court. La stratégie des Comanches était fort simple. Leur intention était de couper la route probable des soldats marchant à l'attaque de leur campement supposé. Ils savaient que la cavalerie, afin d'approcher le bouquet d'arbres sans être découverte, devait suivre une certaine ligne. Toute la question était de déterminer s'ils pouvaient croiser cette ligne de marche sans entrer en collision. La question résolue par l'affirmative, il n'y eut plus aucune hésitation. Oweta se plaça sur le flanc des deux prisonnières, auxquelles il murmura quelques mots d'avertissement combinatoire, et l'on se mit en route. Bien avant que la cavalerie se fût formée, les Comanches avaient traversé le chemin qu'elles devaient suivre et s'avançaient le long d'une ravine qui montait en pente douce vers le pays haut dans le lointain. Ils allaient maintenant tout à loisir, ayant laissé une petite troupe pour couvrir leur derrière et pour donner l'alarme au cas où leur ruse serait découverte. Malheureusement, l'éclaireur qui avait trouvé le campement avait pris, pour revenir, l'autre côté de la petite rivière, de sorte que les cavaliers de l'Union se pressèrent à l'aveugle sur les vieilles traces des Comanches sans se douter qu'ils avaient levé le pied. Cependant, un roulement lointain de mousqueterie arriva, bientôt faiblement aux oreilles des Indiens fugitifs. D'une façon ou de l'autre, on se livrait une bataille acharnée dans le Bocteau.